définir un Heimlich, toi, ça devient plus du tout. Mais donc, en tout cas, l'Heimlich n'est pas premier. Quoi. Il n'est pas premier, c'est ça. Et à ce moment-là, ben. Pour nous, c'est le dehors qui est toujours déjà, persiste toujours déjà. Quoi. Il n'y a pas l'idée d'un. Parce que malgré tout, Freud suppose c'est l'inconscience par rapport à la conscience, par rapport à l'individu, par rapport à un sujet déjà constitué qui vient. Et donc le refoulement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le refoulement originaire, parce que ça suppose qu'il y a un mouvement, un processus de constitution malgré tout du sujet. Donc, ce processus de constitution suppose que le sujet n'existe pas a priori. Alors, après, justement, Lacan, il l'a logé dans le langage. Le problème, c'est que pour nous, ça reste très anthropocentrique. C'est-à-dire que c'est le langage qui fait le monde. Donc, c'est, encore une fois, c'est une forme d'appropriation anthropocentrique. Du rapport au monde. Donc, c'est vrai que pour nous, la question de l'anthropocentrisme, elle est, enfin, la critique de l'anthropocentrisme est vraiment centrale. Ce qu'on essaie de penser aussi à travers le dehors, et la souveraineté du dehors, c'est défaire. Dit l'homme s'est approprié la souveraineté. Il s'est approprié dans la figure du souverain, mais c'est l'être humain qui essaye de s'approprier ce qui est absolument inappropriable. La souveraineté est inappropriable. Donc il fait comme il peut pour. L'objectiver dans des figures, dans des êtres, mais à chaque fois, en même temps, ça lui échappe, ça ne cesse de lui échapper. C'est vrai que là, dans une question, toi d'ailleurs, qui va faire l'objet d'un livre de Frédéric, là, sur la question de l'humanisme, on voit bien que là, lui, il essaie de mettre en crise la question de l'humanisme, en tant qu'anti-humanisme. Il nous semble qu'en fait, on peut, justement, comme certains disent, en même temps, procéder à entrevoir une anthropotechnie, et sortir de l'humanisme. Ça veut dire que malgré tout, l'anthropocentrisme, comme fondement de ce qui ouvre le rapport au monde, reste premier. Donc en fait, la critique de l'humanisme, et là on pense sur le terme politique, parce que j'entends ici aussi, quand j'entends hier le christianisme, c'est quelque part comment éviter une théologie, mais qu'elle soit religieuse ou athée. Et comme disait Blanchot, on est, avec l'humanisme, une théologie absolument athée. Mais c'est une théologie, parce qu'elle veut recouvrir l'ensemble des êtres du monde et l'organiser en tant que tel. Mais c'est vraiment donc, l'homme qui se substitue à Dieu. Quoi. Bien sûr, il faut critiquer l'humanisme, mais si on n'arrive pas à déloger l'anthropocentrisme comme quelque chose qui serait le vecteur par lequel on rentre, il y a un rapport au monde, on n'a rien délogé. C'est-à-dire qu'on reste toujours, malgré tout, lié à la possibilité d'un fondement ou d'une source qui, bien sûr, est prête à se métamorphoser. Enfin, par exemple, Heidegger est anti-humaniste, mais il est pas, il reste anthropocentré. Voilà. Donc ça pose problème. C'est toujours depuis le design qu'il y a possibilité de monde. C'est ça. Alors pour nous, le monde advient que dans la rencontre. C'est-à-dire que le monde n'est pas l'attribut d'un être. C'est-à-dire que par exemple, justement dans notre tentative de penser à partir de l'écart, il ne s'agit pas pour nous de penser qu'est-ce qui fait la spécificité de l'être humain par rapport aux autres êtres, de définir, d'identifier en fait les différents types d'êtres, ce qu'on retrouve par exemple dans le domaine du droit aujourd'hui, avec les problématiques des droits des animaux. Le fait de vouloir donner les droits aux animaux suppose qu'on définit, qu'on fasse une hiérarchie, en tout cas qu'on définit ces critères qui fait que tel animal il va avoir tel droit. Donc tout de suite ça suppose une ontologie derrière qui va identifier ou définir sur un plan ontologique, les attributs des différents êtres de nature. Si on rentre là-dedans, c'est une impasse complète. Ça objective toujours les êtres. Et nous, on dit, mais non, ce qui compte, c'est pas qui, est-ce que l'homme, il est ceci ou est-ce qu'il est cela, est-ce qu'il est, il est doué de ceci ou de cela plus que les autres. Non, c'est quelles sont les possibilités de rencontre entre les êtres humains, entre les loups, avec des arbres, quel topo se déploie, quels passages sont possibles et quelles rencontres s'ouvrent. Et au-delà, et en fait, c'est à chaque fois, c'est la rencontre qui va déterminer le possible de chaque être, et non pas présupposer a priori quels sont les possibles des êtres. Et là, en même temps. Ce qui veut dire que d'un point de vue du droit, c'est vrai que ça peut à terme remettre en question la notion même de droit, parce que le droit suppose un sujet constitué qui est porteur. Justement, du droit qu'il peut revendiquer. Et là, quand on pense à partir de l'écart, du passage, de la rencontre, c'est-à-dire l'intervalle entre les êtres, qu'on dit c'est à partir de ça qu'il faut penser, Il faut complètement repenser la notion de droit aussi. C'est ce à quoi on s'attelle, notamment à la souveraineté du dehors. Et c'est ce sur quoi justement des gens de droit en ce moment, justement, sur, parce que justement on a la question écologique ou la question animale, ou en tout cas la question des autres, autres que des formes humaines, se pose, qu'on voit de plus en plus ressurgir cette, effectivement cette question du commun, comme ce qui est un versant non appropriable par l'homme. Alors non seulement non appropriable, mais qui donc sur lequel on ne peut pas, on ne peut pas prendre de pouvoir tout simplement. Hein, on n'a pas de pouvoir dessus. Et là, on voit bien que petit à petit, depuis les années 90, il y a même des ce qui reste encore dans le cadre du droit, mais qui reste des jurisprudences qui deviennent de plus en plus, qui fait advenir des choses qui nous semblaient jusqu'alors hors droit, c'est-à-dire dans la rationalité. Qui avait le cours dans un droit de plus en plus restrictif depuis l'humanisme. Par exemple, justement, une personne qui possédait un cèdre du Liban, qui était centenaire, et dont les branches dépassaient chez le voisin. Pour raison de droit et de propriété, le voisin dit « coupe-moi tes branches, elles sont sur mon territoire ». Ça paraît tout banal. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a retenu deux éléments pour lesquels on n'allait pas si facilement abattre ce cèdre du Liban. Un, parce que une certaine coupe des branches du cèdre pourrait tout simplement le nuire au point de le faire mourir. Donc on ne le coupe pas n'importe comment. C'est-à-dire que malgré tout, là, il y a une façon de considérer une certaine singularité d'un être dans sa façon de s'étendre dans le monde. Et deuxième moment aussi, il est centenaire. Donc de penser qu'un âge donne une consistance à un être qui n'est pas rien, et troisième, aussi un motif qui paraît simple, qui est esthétique et sensible, qui est « c'est un cèdre du Liban ». Et donc là, on commence à faire rentrer dans l'ordre du droit rationnel, mesurable, des éléments qui deviennent très, très, très, question du temps, de l'espace sensible, la question d'un commun, c'est-à-dire que cet arbre, si on le coupe, il ne peut plus faire partie du commun, il ne peut plus faire partie de nos vies, tout simplement. Oui, puis cette dimension sensible, même esthétique, elle tient du commun, ce qui permet la vie en commun au-delà de la propriété. C'est-à-dire qu'on pense à partir du commun comme ce qui est justement le seuil à partir duquel il y a ce sur quoi l'homme encore peut rentrer en dialogue et ce qui lui est ce sur quoi il ne peut pas agir. Donc il y a une extériorité au droit. Tout ne peut pas rentrer dans le domaine du droit. Et quelque part, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en œuvre dans le domaine du politique. Quand effectivement il y a une distinction à faire entre ce qui est dehors du politique, c'est-à-dire pour nous, de ce qui à un moment donné demande un sensible qui ouvre une lutte, parce que tout simplement il n'est pas possible d'habiter selon un certain mode du sensible, et ça ouvre une lutte, alors il y a là un soulèvement politique possible. Par contre, la politisation, effectivement, doit toujours être là, à ce moment-là, un lieu très très toujours soumis à une critique, ou ce qu'on appelle une diacritique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un a priori des distinctions à opérer, il y a sur un moment donné, oui ou non, ça vient enfreindre des existences. À ce moment-là, une politisation, on voit toujours son appareillage. À la limite, c'est ce que nous montre voilà, Foucault ou autre. Il nous montre comment on appareille le monde. Et là, justement, il faudrait arriver à distinguer ce qu'on appellerait une politique qui laisse place à son débord, et donc, au final, à accueillir sans le cerner, sans le suturer, du dehors, et donc du hors politique. Parce qu'on peut dire, hors là, on peut accepter que on ne soit plus dans la question d'un règne, tout simplement. Hein, c'est, la politique après, ne doit c'est pas... aussi l'idée de ne pas produire un modèle, quand on essaie de penser les modes de vie et l'inscription, c'est-à-dire que chaque devenir collectif ouvre un mode d'inscription qui lui est singulier, qui va inventer son mouvement institutionnel, qui va inventer ses espaces de passage en fonction du topos dans lequel il se déploie. Donc il n'y a pas un modèle, alors surtout pas d'État, ça c'est clair que nous on est contre l'État. Contre l'État ou contre des super États qui seraient comme l'Europe, ou, c'est-à-dire des structurations qui sont finalement aujourd'hui biopolitiques. Donc, ou des super États ou voilà, des qui instituent un cosmopolitisme. Fois, un pouvoir qui institue des frontières. Et le droit, en fait, s'inscrit dans, ce mouvement-là. Donc après, quand on voit, c'est qu'il y a combien de collectifs de par le monde, toujours en Occident, on a toujours senti on se réfère toujours aux concepts qui sont liés à l'histoire de l'Occident, toujours le sentiment que, voilà, on doit forcément passer par l'État, on doit forcément passer par le peuple, mais combien de collectifs de par le monde ont existé depuis des milliers d'années qui se sont organisées complètement autrement. Il ne s'agit pas forcément de revenir ou de se calquer sur des modes d'organisation existants. Mais en tout cas, c'est de dire qu'il y a une multiplicité de modes d'articulation du collectif qui est possible. Ce qui est insupportable aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment contre ça qu'on va, c'est l'idée qu'il y a un mode d'organisation qui doit s'imposer et qui s'impose à l'échelle de la planète. Donc là, c'est redéployer de la multiplicité. Et à chaque fois, la multiplicité, elle est liée à comment les collectifs réinventent le rapport à un espace-temps, inventent des modes de vie. Donc, ça serait aussi aller à l'encontre, justement, quand on parle ça et là, ou de singularité, ou de souveraine expression, c'est-à-dire quelque chose qui, au final, de l'inconnu peut surgir. Ça serait justement aller à l'encontre de tout là, de toute cette espèce de généralisation du droit et d'un tribunal de la raison qui fait qu'aujourd'hui les particularismes demandent d'être justifiés par le droit. J'ai une particularité. Légitimer, ouais. Vous me légitimez dans mon droit et dans ma forme politique, donc au final une inscription totale du biopolitique, c'est quasiment exactement sa définition, ce qui aujourd'hui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'au lieu qu'effectivement la question du genre doit être une déconstruction, une insoumission, toujours renouvelé d'un système d'appartenance, c'est un particularisme qui va demander à un État de le mentionner en termes de droit. C'est quand même une soumission dans la singularité d'un être que je trouve absolue. C'est pour ça que quand on a l'appel à la libération du commun, c'est non pas les intérêts généraux comme on l'entend C'est pas le bien commun. Pour le bien commun de l'humanité. C'est tout simplement pour que de l'existant puisse sans cesse nous réveiller des situations irrésolues et qui nous portent à tenter toujours d'habiter autrement le monde. Donc voilà, en tout cas, c'est aussi là, en ce moment, il y a des formes pour nous réactionnaires à des moments de crise majeurs, mais ces moments de crise, justement, il faut savoir, c'est ce qu'on va aussi des fois chercher, hein, le terme de crise va de pair aussi avec la question de la décision. Mais en tant que la décision n'est pas volontariste, c'est ce qui fait que, à travers un mode d'être, une poussée s'exprime pour dire « il faut qu'une singularité surgisse de cette intensité sensible ». Et donc, cette intensité, bien sûr, qu'elle donne une expression, à montrer une expression de crise, mais tout simplement, elle demande un passage à une transformation possible. Alors cette transformation, par ailleurs, nous on essaie de pas l'appeler métamorphose, dans le sens où on serait un petit peu, justement, dans le cadre de l'infraphysique, contre tout ce qui est métamodélisation, métamorphose, dans ce sens où ça suppose qu'on arrive de l'extérieur à avoir une forme qui se bouge. Par exemple, ça permet très facilement aux métaphysiciens, aux physiciens, de voir en quoi, soi-disant, le papillon soit en ligne directe et génétique avec sa chenille, avec sa chrysalide et autres. Alors que, de façon antérieure, on la voyait justement comme l'être d'une certaine éternité, dans ce sens où chaque être a sa singularité qui peut déborder vers une autre forme. Mais son expression débordante ne fait pas qu'on le réduise à un seuil commun de généticité, mais dans sa pleine singularité. Un papillon ne ressemble en rien à une chenille, en rien. Bon, alors qu'après on veuille trouver une généticité, c'est vraiment le dominateur non seulement le plus commun, mais le plus basique pour simplement ne plus voir en quoi il ne ressemble en rien. C'est comme toujours un être humain, il lui faut heureusement sa carte d'identité pour savoir qu'il s'appelle bien David je ne sais quoi, alors que manifestement, il ne ressemble jamais en rien. Et il fait tout aussi sensiblement pour être, comme je disais tout à l'heure, personne. C'est que quelque chose sonne malgré lui. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on va chercher, parce que ici aussi il y a eu un atelier sur la question de la musique, on a été chercher justement de dire, mais attendez, en Occident on a une conception de la musique tout à fait étonnante. Elle est toujours instrumentale. Il faut qu'on exerce une pression sur un instrument pour que la musique advienne. Il faut quand même penser la musique d'une façon hyper restreinte pour penser ça. Et justement, on allait chercher la musique africaine en ce sens que l'instrument n'est juste et personne. Il n'est le personare. Il n'est que du sensible va être réveillé à travers cet instrument. Mais il y a déjà du sensible avant même qu'il soit, et donc pour qu'il soit réveillé, réintensifié, réouvert. Ce que d'ailleurs explicite plus ou moins Rilke dans les mille voix. Hein. Il dit, si on a quelque chose, si quelque chose de la poésie, au sens d'un apparaissant, hein, de cueillir la possibilité d'une singularité sensible du monde. C'est tout simplement la possibilité d'avoir une attaque dans les mille voix qui sans cesse... et le bruissement du monde. C'est-à-dire que le monde, il n'est jamais vide. Il n'est jamais cette espèce de plateforme desséchée, désœuvrée, mais dans le sens désaffectée. Non, il est toujours absolument affecté, une multiplicité de choses. Et que quand il y a une attaque qui se produit, on fait justement vibrer le seuil de l'espace sensible. À ce moment-là, quelque chose comme de la musique peut advenir. Et là encore, il ne suffit pas, entre guillemets, de penser de faire de la musique, comme dirait Deleuze aussi. Il faut savoir à quelle musique et à quel sensible on est en train d'opérer. Si on veut, je dirais, opérer du sensible, alors effectivement, comme il dit, on fait de la cadence. C'est-à-dire, ce n'est plus simplement de la musique, c'est une opération musicale à des fins militaire à des fins de rendre régulier, mesuré les formes d'expression. Si par ailleurs on n'est plus dans le terme de l'opération, mais de quelque chose qui advient, surprend, on est dans le rythme, c'est-à-dire un écart qui bat, qui n'est pas soumis à la mesure, et dont on ne peut pas savoir à quel point, qui est quelque part qui vient d'effrayer les tempos, hein, parce que je crois qu'il va, essayer de chercher le tempo, le non-tempo chez Boulez, ce qui ne me semble pas très très le plus judicieux, mais bon. Mais en tout cas, il essaie au moins de dire, quand on sort du tempo, ou que le tempo n'est plus simplement battre la mesure, alors quelque chose, une musique sensible apparaît, et pas simplement une opération. Voilà. Bon, c'est un peu aussi pour donner toute cette texture un peu, hein, que... C'est-à-dire que quand on veut aussi penser l'infraphysique, c'est qu'il y a vraiment une texture de monde apparaissant. Hein. Il n'y a pas simplement un monde déjà là, un cosmos fait par les dieux, ou un cosmos qui est en train aujourd'hui d'être appareillé, mis en pièces par la main de l'homme. Et c'est, voilà, et c'est technique qui peut ou pas se prendre leur autonomie, mais justement réveiller ces formes sensibles. Et se mouvant. Mais c'est vrai que si on revient sur la notion d'infraphysique, qui pour nous un petit peu notre projet de pensée, en fait, c'est le nom qu'on donne à notre projet de pensée, ça vient, disons, à l'encontre d'une certaine manière de la métaphysique, alors au plusieurs sens du terme, à la fois le sens de ce qui vient après la physique, chez Aristote, mais c'est aussi la métaphysique, enfin ça rejoint un petit peu ce que dit Heidegger, il dit. Peut-être qu'au XXe siècle, on va voir la fin de la métaphysique, qui est au final, d'une certaine manière, une crise de la philosophie elle-même. Crise de la philosophie, ça veut dire quoi? Ça veut dire au final crise du platonisme. Parce que c'est Platon qui institue l'espace de la pensée philosophique. Donc c'est vrai que nous, dans notre mode de pensée, clairement, il y a une critique du platonisme, mais il y a aussi... de manière sous-jacente, une mise en crise de la philosophie. C'est pour ça qu'on s'intéresse à des auteurs comme Blanchot, comme Bataille, à des penseurs qui vont chercher, qui vont essayer de formuler une pensée qui est à l'interstice de ce qu'on appelle la philosophie et de la poésie, mais aussi qu'on va chercher chez les présocratiques. C'est-à-dire, c'est des pensées qui ne s'articulent pas que sur un mode strictement conceptuel. Par justement la définition d'identité, de catégorie, de concept. Et le fait de tenter de penser à partir de l'écart suppose aussi de remettre en question les fondements de ce qu'on appelle la philosophie. Et donc l'infraphysique, c'est cette tentative de déployer la multiplicité des corps, justement, qui se déploie dans l'écart, dans cet espacement irréductible, qui du coup, en même temps, mobilise toute cette histoire, tout cet héritage philosophique, mais qui en même temps essaye de réouvrir un passage vers d'autres modes de pensée. Donc c'est vrai que le projet d'infraphysique, c'est, on pourrait dire, enfin, de manière très résumée, c'est un peu ça, quoi, essayer de penser l'écart, depuis le seuil, et non plus poser, comme l'a fait Platon, donc ça n'a cessé de poser des frontières, en fait. Alors bien sûr, ces frontières, ce qui est intéressant, c'est que ces frontières étaient toujours mouvantes. On voit bien un sophiste, qui est un dialogue qu'on a beaucoup travaillé, le dialogue du sophiste de Platon, la question du non-être dans l'être, on voit bien que c'est. Il essaye sans cesse de fixer la place du non-être, soit en termes de séparation, de différenciation, mais il s'agit sans cesse de fixer le non-être dans cette dialectique être-non-être. Et la Cora ? Oui, alors la Cora, ça aussi c'est un concept qu'on a pas mal travaillé, qui pose problème, parce qu'il suppose malgré tout aussi une identité. C'est-à-dire que la Cora, c'est la matrice sur laquelle viennent. Enfin, les êtres, en fait, sont comme des empreintes. Le problème, c'est que l'empreinte suppose une identité. Et que la Cora, c'est justement cette matrice dont le principe, ce qu'il appelle, je crois que c'est le paradigme, en tout cas, c'est il y a cette figure familialiste du père des enfants qui sont les empreintes et de la matrice qui reçoit, qui est donc une surface de réception. Alors ce qui est intéressant, c'est que Derrida, il a travaillé un petit peu sur Cora, il fait une espèce de mise en abyme, il montre comment Cora est sans cesse mis en abyme. C'est-à-dire que c'est un réceptacle, mais qui s'échappe toujours à lui-même comme réceptacle, en fait. C'est un réceptacle qui n'est pas positif, au final, qui ne peut jamais déterminer. Mais malgré tout, dans cette manière de penser, ça suppose en fait un ordre des places. C'est ça qui intéressait Platon. Platon, il voulait déterminer un ordre des places, les identités de chaque être, un système d'organisation des places revenant à chaque identité. Nous, je veux dire, notre démarche est strictement inverse. Mais justement, nous, ce qu'on essaie plutôt de penser, c'est ce qu'on appelle l'espace d'inscription. C'est-à-dire que c'est toujours, encore une fois, c'est à partir, et là, notamment, on s'inspire du travail de Deligny sur les cartes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une Cora préexistante, il n'y a pas une surface réceptacle, il y a des espacements qui rendent possible des rencontres. Et ce sont ces espacements, en fait, qui déploient un espace d'inscription, en fait. C'est-à-dire que le topos est lui-même travaillé par des écarts. Et ces écarts, en fait, sont ceux par quoi il y a des passages, il y a rencontres. Et en fait, ces écarts qui traversent et qui travaillent le topos, c'est ce qu'on appelle l'espace d'inscription. Donc il n'est jamais positivable, en fait. Mais c'est aussi dire que le topos n'est jamais plein. Ce n'est pas une surface pleine. En ce sens, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un lieu avec des places déjà circonscrites. Il est toujours déjà troué. L'espace d'inscription, pour prendre une image peut-être qui pourrait faire comprendre, ce serait plus une articulation topographique, en fait. Même si l'idée de topographie tout de suite suppose, renvoie à la mathématique, donc nous, c'est pas du tout notre système de référenciation, parce que les mathématiques encore supposent la détermination, la possibilité d'une saisie, d'une mesure. Alors que ce qui nous intéresse chez Deligny, ce qu'il va chercher dans les lignes d'air, c'est cet espacement non intentionnel qui se déploie, qu'il appelle l'arachnéen. C'est toutes ces lignes qui se déploient, qui sont non intentionnelles, mais qui ouvrent des rencontres possibles, toujours dans l'écart. Et souvent les rencontres, justement, quand il dit par rapport aux autistes, très souvent il dit mais ils sont comme des sourciers, parce qu'en fait, ces rencontres, c'est depuis justement l'écoulement de l'eau, depuis quelque chose qui... une fleur qui imperceptiblement bouge, et donc on se rend compte que cette rencontre, c'est tout simplement l'avènement d'une résonance. Il n'est pas en train de positiver entre quoi et quoi. Ça peut être un coquelicot, ça peut être autre chose, c'est pas un problème. Au final, c'est de dire, au fond, comme ce qu'il a vécu dans le réseau de la résistance, des lignes discontinues, affectives, mémorielles, se trament, se tissent, et en fait, c'est un réveil de traces. Mais les traces, c'est pas positif, c'est pas une empreinte. C'est la possibilité qu'un sensible persiste et puis tout simplement propose un topo, c'est-à-dire quelque chose qui soit habitable, c'est-à-dire un lieu de vie, là où la vie se trame, et la vie n'a pas de principe. Elle n'est pas liée à une génétique, elle n'a pas de principe, la vie. La vie, c'est toujours ce qui nous surprend. elle a pas de, elle n'est pas liée à le vivant, n'est qu'une infime partie de ce qui engage la vie. Mais heureusement que les astres et tout élément de ce qui fait advenir du sensible, d'un être au monde ou autre chose, n'a pas besoin de principe pour organiser la vie. Pour se déployer. Pour se déployer. Donc là, c'est vrai que Deligny dit cette résonance entre des êtres absolument disjoints, des lignes disjointes, c'est ce qui permet justement la richesse de ce qu'on appelle la rencontre. C'est-à-dire, le possible peut se faire dans une multiplicité de devenir, sans être appareillé, sans être contenu, sans être préalablement soumis à, effectivement, à un réceptacle. Donc le topos, alors ça aussi, on l'a vu sur le plan politique, nous, ce qui nous a intéressé, on allait chercher la question aborigène. On a vu justement une personne en droit qui a voulu faire un débat là-dessus en disant, mais pourquoi appelle-t-on aborigène, ou pourquoi appelle-t-on indigène ou autre ? Autochtone. Et après, ce qui est intéressant, autochtonie, c'est que quelque part, elle dit, parce que tout simplement, ces êtres politiquement sont porteurs, politiquement et en tant qu'êtres d'habitation, contiennent deux choses. Un, c'est que on sait que tout de suite, ils ont subi une colonisation. Deux, et ce qui ne recouvre pas le terme d'indigène, ils sont toujours liés à la terre. Non pas comme fondation, non pas comme un territoire à sauvegarder, mais tout simplement comme un être au monde qui n'est pas une entité quelconque. Il est un être sensible par oui, lequel il... Oui, puis c'est surtout cet espace dont je parlais tout à l'heure par rapport à la psychothérapie personnelle, la possibilité même qu'une vie puisse se déployer. Voilà. C'est-à-dire qu'une vie dans une prison, dans un laboratoire, c'est pas la même que dans un topos, dans un espace ouvert où il y a une multiplicité d'êtres et de rencontres possibles. Justement, ce qui définit la prison, ce qui définit le laboratoire, c'est que toutes les rencontres sont... Enfin, il n'y a pas de rencontre, en fait, possible. Il y a toujours surdétermination, de mise en contact, d'opérations qui réalisent des effets. Donc, c'est justement l'antithèse de ce qu'on appelle l'autopos. L'autopos, c'est on ne sait jamais, a priori, où peut se passer la rencontre. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'idée d'autochtonie, même si aujourd'hui, elle est figée, enfin les luttes autochtones sont beaucoup figées dans des problématiques d'identité qui sont elles-mêmes construites par le pouvoir occidental qui oblige en fait des collectifs à s'identifier par rapport à une construction elle-même complètement coloniale de leur identité. Donc ils se retrouvent dans des situations complètement paradoxales, en même temps complètement dominées, en même temps on les reconnaît, mais on les reconnaît que s'ils arrivent à se justifier leur existence dans les termes du colon. Alors c'est vraiment terrible, hein. Ce qui est intéressant dans la question de l'autochtonie, c'est pas ce que Derrida dénonce dans l'autochtonie grecque, c'est-à-dire le côté familialiste, le rapport à la terre, la construction d'une identité. Non, là, ce qui est intéressant dans le concept de l'autochtonie, c'est plutôt cette idée, le rapport à un lieu de vie, la nécessité d'un espace dans lequel on puisse vivre, tout simplement. Et que la vie, c'est pas un truc abstrait, c'est pas en effet du vivant sur lequel on va opérer, c'est pas simplement des organismes qu'on peut circonscrire et qu'on peut modifier. Non, c'est d'abord cet espace-temps qui se déploie et dans lequel il y a des rencontres possibles. C'est ça qu'on appelle le topos, qu'on appelle un lieu de vie. Et la notion d'autochtonie nous intéresse de ce point de vue-là. C'est que de fait, dans leur existence même, ils problématisent ça. Par exemple, là, je crois que c'était l'année dernière, c'était les Guarani au Brésil qui en fait étaient chassés de leur terre ancestrale. Et eux, l'articulation de leur collectif se fait à travers justement la question de l'ancestralité. C'est vraiment la présence des ancêtres qui articulent tout leur mode d'être au monde, leur manière d'habiter. Et en les chassant de la terre, en fait, c'était une manière de détruire tout simplement leur collectif. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est que nous, ce qu'on appelle collectif, c'est pas un groupe, en fait. C'est pas la réunion d'individus en un groupe. C'est justement le partage du sensible qui rend possible une habitation. C'est pour ça qu'on peut jamais circonscrire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Le collectif, c'est cette possibilité-là d'une multiplicité de rencontres en un espace-temps donné. Et eux, ce qui permet leur mode d'habiter, c'est l'existence de leur collectif, c'est-à-dire ce partage du sensible, il est lié à cette inscription liée aux ancêtres. À partir du moment où on les chasse, on détruit en fait le collectif. C'est-à-dire que même si on ne tue pas les individus, on n'extermine pas chaque individu, on extermine en fait le collectif. C'est-à-dire qu'on fait qu'il n'existe, il ne peut plus exister, tout simplement. L'espace sensible est absolument détruit. Et annihilé. Donc, Et donc ils ont dit, bon ben on va se tuer. On va tous, si vous nous chassez de la Terre, on va se tuer. Ce qui est intéressant, c'est comment ça a été perçu en Occident. C'est-à-dire que, bon, du coup, ils ont envoyé un message en disant, bon, on n'a plus qu'à se tuer, parce que de toute façon, vous nous tuez, en fait. Sauf que là, on va le réaliser, effectivement, on va se tuer aussi physiquement. Et qu'en Occident, pour le pouvoir occidental, il n'y a que la mort physique qui pose problème. La mort du collectif n'est pas problématique. C'est que la mort sur un plan biologique. Ce qu'on appelle aussi la vivance, justement, du collectif, c'est-à-dire. Oui, c'est une vie qui échappe à la vie organique des individus. C'est ça pour nous qui fait collectif, en fait. Il y a une vivance qui déborde la vie des individus. Et en fait, en Occident, vu que la conception de la vie est réduite justement au vivant, à de l'organique, tout ce qui est au-delà, en fait, de l'organique, du fait de tuer un être individuel, ne pose pas problème. Alors que pour eux, c'est vous nous tuez. Donc littéralement, ils se disent, si vous nous tuez, on n'a plus qu'à mourir. Et ça a été reçu en Occident comme un suicide collectif. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement prendre acte de la réalité face à laquelle on les mettait. Et surtout aussi parce que justement, ils ont, comme leur rapport est un rapport sensible, mais qui sans cesse se déploie avec les ancêtres, c'est-à-dire en fait avec une forme temporelle qui se déplace de simplement de ma vie physique en un temps donné, c'est-à-dire qu'elle vient se conjuguer avec d'autres temps, c'est ça ce que ça veut dire. Et bien cette conjugaison, si on meurt, elle restera cette conjugaison, puisque c'est notre mode même sensible d'être au monde, que de se conjuguer dans le temps. C'est-à-dire que la survivance du collectif supposait quasiment leur mort. Voilà. Par contre, d'autres pourraient être porteurs que d'une survivance qui porte cette vivance d'un collectif qui avait cette façon de concevoir une habitation sensible d'un temps qui n'est pas toujours opératoire dans un sens... capitalisable, comme on le fait actuellement. Donc ça aussi, c'est ce qui nous importe, c'est de voir à quel point l'habitation, elle est autant sur un topos où le sensible nous expose tout de suite, mais aussi où tout ce qui fait qu'il y a une ouverture temporelle absolument gigantesque, que ce soit chez les Guarani ou les Indiens, mais on a été voir aussi du côté océanien, c'est absolument magnifique dans leur individuation. Ils sont en un temps donné, 4 ou 5 êtres. Parce que Plutôt, ils vivent plusieurs temps en même temps. C'est Lennart qui montre ça. Voilà. Le fait qu'ils se vivent dans un rapport d'individuation, et pas, c'est pas l'individu qui est au cœur, mais c'est plutôt l'individuation. Donc lui, il pense en termes de relation. Du coup, aussi, le temps aussi est stratifié. C'est-à-dire qu'il y a toujours en même temps un temps mythique, un temps qui est lié aux saisons, qui est lié à la vie agricole. Je suis cet être de fauchage. Mais en même temps, ma femme m'attend, donc aussi, je suis lié dans ce temps d'une attente. Donc, en fait, dans ce moment même, ce moment est multiple dans ses fonctions. Et en fait, donc, je me vis dans une multiplicité sensible. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Lennart, il dit, non, on n'arrive même pas à penser ce que ça peut vouloir dire de se vivre divisé, en fait, en une multiplicité de temps. C'est-à-dire qu'ils se vivent toujours déjà à la fois dans le temps mythique, à la fois dans le temps que nous dirait utilitaire de l'organisation de la vie, le temps intime. Et donc ils vivent en même temps cette multiplicité de temps. Et c'est pas une ubiquité, parce qu'il n'y a pas une toute puissance d'être à tous les moments. Et c'est pas non plus schizophrénique. Tu vois, ici on dirait mais c'est de la schizophrénie. Non, parce qu'ils se constituent, c'est leur mode d'être justement, leur mode de vie en passe par cette stratification là. Et donc pour nous, on va chercher en fait dans ces extériorités là aussi. Parce qu'elles indiquent des possibles, tout simplement, de comment l'être humain il peut déployer des modes de vie d'une multiplicité absolument incroyable. Et qu'en Occident, on a tout desséché et réduit à un mode de vie qu'on a essayé d'imposer à l'ensemble de la planète. Et c'est ça qui est absolument insupportable. Donc là, c'est redire, mais non, une multiplicité de possibles. Il faut arrêter de penser que forcément, on doit en passer par l'organisation d'un état de droit avec toujours les mêmes systèmes d'organisation, toujours les mêmes référents. Et même, c'est vrai, les mouvements d'extrême gauche, les mouvements qui se disent révolutionnaires, c'est toujours les mêmes références. C'est la commune, c'est le mouvement ouvrier. Donc bien sûr, il y a cet héritage-là. Il faut aussi aller voir ailleurs, tout simplement, parce que l'être humain, il peut se déployer dans une variété de formes de modes de vie qui est immense. Alors, et c'est cette variété qu'il s'agit de redéployer aujourd'hui, parce qu'elle est complètement écrasée de partout. Mais cet ailleurs, justement, il ne faut pas le voir comme un intérieur extérieur à l'espace occidental. Parce qu'à l'intérieur même de l'espace occidental, quand on va chercher le Duende... Le Duende, c'est en Espagne, ça désigne ce moment, notamment dans la danse flamenco, où tout à coup il y a quelque chose qui surgit qui fait que les corps sont presque dépossédés de leur maîtrise. Alors Duende, c'est souvent traduit comme génie, mais c'est vrai que ça recoupe pas génie du lieu, par exemple. Mais c'est presque l'inquiétante étrangeté, justement, qui prend les corps, qui précède toujours déjà. En fait, c'est comment il s'appelle le psychanalyste qui parle de. Qui dit que c'est le maître des lieux qui est là avant le maître, justement. C'est-à-dire que c'est l'étranger qui précède la possibilité même d'une maison. En gros, alors là aussi, ça sort aussi de l'étranger, puisque là, plutôt, le pouvoir d'une Wendé, si on peut voir, c'est d'une puissance destituante, c'est que justement, c'est plutôt lui qui est étrange, dans le sens presque voilà. Du verbe, et non pas du nom. C'est pas un étranger, c'est quelque chose étrange. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment une force destituante, une puissance voilà. Destituante, le Duende. Ça vient complètement. Et collective au même moment, c'est ça qui est assez beau. C'est que c'est tout simplement ça. Si ça touche comme un paratonnerre un d'entre eux, il n'empêche que tout de suite la contamination a lieu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport du collectif, mais justement, comme on le dit, pathique. C'est pas, on n'est pas en train de circonscrire qui est quoi. Et justement, quand Garcia Lorca fait signe du Duende, c'est aussi pour faire signe. Qu'à l'intérieur même de l'Occident, il y a toujours du dehors qui vient le surprendre, mais c'est aussi politiquement en disant, au moment où les fascismes, c'est-à-dire qui vient contraindre les corps, les douaniers se réveillent. Hein. Ça, politiquement, pour nous, c'est capital. Et c'est là où, c'est quelque part, on dit, par-delà le moderne, ou par-delà l'espace progressiste ou linéaire, dans le mode villa, politique et autres, c'est que cet immémorial, c'est justement, l'immémorial, c'est ce douanier qui est là et toujours déjà ailleurs, qui peut toujours nous surprendre, qui peut nous déposséder, mais qui nous aide justement à la désappropriation, qui fait qu'à ce moment-là, notre multiplicité d'êtres et de sensibles se déploie ici, là même, et qui réouvre sans cesse de ce qu'on appelle nous les devenirs mondes. Il n'y en a pas qu'un. C'est tout simplement des espaces sensibles ouvrent des mondes tout à fait incommensurables dans son temps et dans son espace. Oui, chaque devenir collectif ouvre un monde. Mais c'est pas un monde circonscrit, parce que toujours les seuils sont toujours mouvants. Il peut toujours dans la rencontre se redéployer, se réarticuler. Donc il y a toujours une multiplicité de mondes, comme une multiplicité de temps qui coexistent. Et c'est pas du tout des sphères, c'est même l'inverse absolu, voilà. Parce que la sphère suppose que là on fixe complètement le limite d'un dedans. C'est pour nous la sphère, c'est vraiment absolument ce qui nous angoisse au plus haut point. Quoi. Je veux dire, c'est l'horreur intégrale. C'est pour ça que toute la pensée de Sterdich est à l'opposé, mais absolu, de ce qu'on essaye de penser. Quoi. Au contraire. Et quant à l'hostis, dès lors ? L'hostis au sens du... Ambigu. Oui, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé. La question de l'hospitalité, la question du loup. Notamment, on a été chercher un texte d'un poète arabe, je ne me souviens plus le nom, qui dit qu'au moment... ça raconte en fait cette histoire où un homme... un loup arrive. Pas de sa porte, donc au seuil de chez lui. Et donc il a à la fois une dague et à manger. Et donc dans ce moment-là, justement, il y a cet écart. Et donc c'est comment, quelle rencontre est possible ? Et parce qu'on ne sait jamais. Une rencontre, ça peut être en même temps, il peut y avoir une violence, c'est-à-dire une virulence qui va dévorer l'autre. Mais la question, toujours, enfin, c'est pour ça que nous on essaie de penser l'écart de contact, c'est comment toujours préserver l'espacement qui fait que le contact ne sera jamais complet. C'est-à-dire que c'est empêcher la violence. C'est-à-dire que nous, la tentative de la pensée politique qu'on essaie de développer, c'est vraiment comment créer des articulations collectives qui font que ça préserve toujours l'écart. Disons que la survenue du loup. Quand bien même elle exerce une violence, c'est pas celle-ci qu'on dénonce. La violence, c'est de précéder le geste possible entre deux êtres qui n'ont pas à se contractualiser, qui n'ont pas à s'accorder. Donc c'est pour ça que par ailleurs, on peut parler aussi de la politique du différent, en ce sens que si on veut essayer de penser ce qui éviterait des violences, on va dire, dans le sens appropriatrice, c'est pour tout simplement avoir la possibilité qu'un différent, donc un espacement, permette toujours de ne pas intégrer l'autre, hein, ni dans son geste, ni dans un être. Mais l'un et l'autre peuvent, dans cette conjugaison, à un moment donné, se déposséder l'un et l'autre. C'est-à-dire que, par rapport à Derrida, sa question de l'hospitalité, l'hospitalité à venir, elle préside toujours, une hospitalité presque toujours positive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si dans l'hostice, il y a un pharmacon, et il faudrait voir à quel titre avoir la plus grande hospitalité. Non, c'est l'hospitalité, c'est pas rencontrer l'autre. C'est comme je dis, être capable de toujours réouvrir le « qu'est-ce qui est étrange ?» le quelque chose qui va nous étranger. Donc, celle-ci peut exercer une violence, parce que la désappropriation contient une violence en ce sens qu'elle ne... Elle nous réconforte elle, pas dans voilà, une elle, identité. Voilà, elle est toujours impropre, en ce sens, elle est violente dans son caractère impropre. Mais... Et en même temps, c'est aussi la désappropriation qui... ouvre et permet une liberté inouïe. Genre on voit même sur un plan, par exemple, psychique, on voit bien que c'est des personnes qui se figent dans des identités, ça produit des névroses absolument terribles, et que c'est au contraire au moment où on accepte d'accueillir toutes ces dimensions d'inconscient qui nous traversent, qu'on se vit dans une espèce de traversée comme ça, de liberté vraiment, d'ouverture, de possibilité de transformation. Donc, et ça, en même temps, tout ce processus-là d'accueillir en fait ce qui nous étrange, ça demande, il y a une conflictualité en fait. Ça suppose toujours, on passe toujours par un travail de la conflictualité qui nous habite. Et donc, à ce titre-là, il y a une violence. Mais à partir du moment où on accepte petit à petit de se laisser traverser, sans non plus être, alors quand je dis traversé par les forces inconscientes, c'est capable aussi de les articuler pour que ça ouvre un devenir et pas être dans une espèce de pulsionnel pur. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout en ce sens-là. Mais c'est vraiment simplement laisser le désir comme écart nous réouvrir, la possibilité de se réouvrir sans cesse à une transformation. Une transformation, on ne sait jamais exactement où elle va s'opérer. Mais c'est ça de, aussi, c'est de pas la dire liberté. Non plus indistinction, parce que c'est vrai que dans Derrida, ça et là, très souvent, le pharmacone, c'est aussi le lieu de l'indistinction, dans ce sens où, à tout moment, ça peut basculer. C'est pas le problème, en fait. C'est pas le problème, parce que dans l'écart, c'est pas le problème de qu'est-ce qui peut basculer là, justement, est-ce qu'il va sortir la dague ou est-ce qu'il va ouvrir la main avec son pain. C'est pas la question, au final. Ça, c'est encore une question très résonante. C'est entre les deux gestes, qu'est-ce qui fait que, avant même que l'accueil, il y a déjà un acte qui me surprenne, c'est-à-dire que de l'inconnu, parce que entre mon pain et la dague, l'inconnu m'aura déjà cueilli. Donc, m'aura déjà cueilli avant même que j'accueille l'autre. Donc, c'est cette espèce d'antériorité surprenante n'est pas du tout un problème d'indistinction ou de régime de la bonne dose, hein, presque pharmacologique, comme dirait l'autre. Mais la question du l'autre. La question du loup est aussi importante. Le même. La question du loup est importante parce que ça, elle nous permet aussi de penser. Bon, il y a le loup avec toutes les métaphores dont il est chargé, toute cette histoire, comme le sauvage, comme l'irruption, comme aussi une forme de violence. Donc ça nous appelle aussi, ça nous parle, comme signifiant. Mais aussi le loup comme ce qui ne parle pas la langue des hommes. Et justement, qui suppose de penser la coexistence avec les loups, ça suppose, ou la rencontre avec les loups, ça suppose de penser comment on peut justement articuler des passages, articuler des modes d'habiter qui ne supposent pas l'exclusion a priori des non-humains, ou de tous ceux qui ne sont pas dans le langage. Donc là, on va complètement à l'encontre des théories du contrat social, qui supposent à chaque fois la formation justement d'un peuple, à partir de quoi ? À partir de la possibilité du langage. Et là, c'est plutôt, quand il n'y a pas de langage commun, comment on fait pour coexister ? C'est là que la question du topo, la question des passages, l'articulation des passages, pour nous, est importante d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, a priori, de poser une frontière qui va empêcher absolument les loups de venir manger les brebis, mais c'est comment on va, à chaque fois, en fonction des lieux de vie, des modes de vie, inventer des modes d'articulation qui rendent possible des coexistences. Ça ne veut pas dire que ça va neutraliser toute violence, et c'est pas l'objet. Que des fois, dans les rencontres, dans les surgissements, il peut y avoir violence. Mais on préfère, d'une certaine manière, ces violences ponctuelles qu'une violence générale, organisée par un État, ou par une biopolitique qui en passe par l'extermination de peuples, qui en passe par la domination des corps, leur objectivation, l'appropriation de l'ensemble des êtres vivants et des processus vivants. Pour nous, ça, c'est une violence qui est tellement, tellement plus radicale que ces survenus, ces surgissements, des rencontres, on pourrait dire, malencontreuses, mais qui font partie de la vie. Et si on essaye absolument, pour préserver le vivant, organiser absolument tout, c'est-à-dire, ça produit une violence qui est terrifiante dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, si je peux préciser aussi, ça me fait venir par rapport à un propos que j'ai eu hier avec Eric, c'est justement sur le fait que il ne faudrait pas aussi justement faire que l'entreprise qu'on essaie de mener, qui est justement liée à cet inconnu, à ce surgissement et tout ça, et à la question d'un collectif qui soit justement, qui enlève ce rapport nature-culture, ce rapport être humain et autres, soit associé de quelconque façon à ce qui a été là ces dernières années, mis en œuvre par Latour et qui va aussi jusqu'à Stengers et autres, parce qu'on ne veut pas en faire des objets, on n'en fait pas des entités, c'est-à-dire désingularisées. Donc on peut mettre en crise les fondements même de ce qui organise la distinction des êtres, hein, on peut les mettre en crise, mais surtout pas en essayant de passer en deçà de, pour organiser des systèmes de relations, pour insister en ayant complètement désingularisé. Et Eric disait justement, en côtoyant effectivement la singularité, ces gens là c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance, par exemple quand on prend certaines choses plus flottantes, plus incommensurables, par exemple chez Deleuze, de tout de suite les techniciser. C'est-à-dire qu'en gros, on les met tout de suite dans un rapport. On va tout de suite les rendre efficients, c'est-à-dire dans une forme de pragmatisme. Ce qu'on appelle nous, ce qu'ils, eux-mêmes, ce sur quoi ils s'accordent, c'est-à-dire un constructivisme. Et ça, alors là, si combien même on voudrait mettre en crise ces distinctions-là, surtout pas en arriver à cette possibilité, oui, d'un constructivisme pour opérer une désingularisation totale des oui, entités. Puis, au final, ce qui s'organise par exemple dans le vivant en disant tout n'est plus qu'une masse informe de gènes. De data. Et de data à reconstruire. Ah bah oui, là on a tout effacé, on ne sait même plus qu'un papillon vibre, une aile est en train de se déployer dans le vent et à la chaleur du soleil. Non, c'est une surface qui simplement est, oui, par exemple, on le voit une bien, opération. On voit bien chez Descola, par exemple, qui est un héritier un petit peu de Latour, dans son livre « Par-delà nature-culture », toute la première partie où il critique en fait le partage est vraiment super. Enfin, moi, quand j'ai lu, c'est quand même étonnant que les philosophes ne fassent pas ça, que ce soit un anthropologue qui arrive et qui, enfin, disent, bah oui, non, mais c'est complètement relatif à une situation donnée, ce partage-là, une certaine histoire. Mais alors, tout ce qu'il fait après, c'est la manière de poser ces quatre ontologies, de poser des catégories, c'est-à-dire tout de suite d'identifier des systèmes de relations et de les appeler des ontologies, c'est pas rien. La transposition de ce concept, enfin, de la question de l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, alors, la science de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire quand on voit ce que Heidegger, il va penser, la distinction de l'être et de l'étant, à quel point c'est énorme tout ce qui est en jeu derrière, et que là, hop, ça devient une ontologie, c'est-à-dire quelque chose de saisissable, un ensemble de systèmes de relations et de catégories identifiables, qui est une totalité qu'on peut circonscrire, et tout de suite, une objectivation au final de quelque chose qui est la question de l'être, on peut pas l'objectiver. Donc là, le fait de dire il y a des ontologies, ça, qui sont en fait des systèmes de relations, voilà, ça c'est typiquement constructiviste. Alors nous, c'est vraiment tout à fait l'inverse qu'on essaie de faire. C'est qu'on ne peut jamais circonscrire, et déjà on ne pense pas en termes de relations, parce que les relations ont tendance à supposer en fait les préexistences d'entités qu'on peut déterminer. Vu que nous, c'est à partir de l'espacement, de l'écart, on ne sait jamais a priori qui est quoi, en fait, qui ou comment l'être, vu qu'il est toujours en même temps individué et individuation continue. Donc, à la limite, le mot rapport, il sera un peu moins vilain, dans le sens où il dit que quand même, il y a un seuil où il y a du... Il y a une rencontre qui est possible. Voilà, qui organise la possibilité d'une rencontre. Si on dit un rapport au monde, c'est qu'on ne suppose pas le monde, et donc que quelque part, ça oblige toujours à quelque chose qui est beaucoup plus donc, incertain. Vivant, ouais. Donc à la limite, le mot rapport permet au moins de sauvegarder cette incertitude, là où la relation surdétermine deux polarités, surdétermine son vecteur. Alors là, pour le coup, c'est... C'est, en gros, c'est quasiment faire du socius la finalité totale du monde dans tous ses rapports. C'est ce que veut dire aussi l'écosystème. C'est quasiment ce qu'a voulu faire la cybernétique. On fait une espèce de pensée d'un socius sur l'ensemble des êtres du monde et qu'on va qualifier en termes d'entité qu'il va falloir relier et à peu près rendre viable selon un certain équilibre. Donc c'est pour ça, c'est vrai que Descola, là, tout aussi parle de collectif, mais du coup c'est un sens très différent que nous ce qu'on essaie de penser. Nous, on, à la limite, on hérite plus de ce que Jean Houry, donc psychiatre de la Borde, a essayé de penser à travers la notion collectif, qui, que je répète, le collectif n'est pas un groupe, c'est pas un groupe d'individus. Le collectif, c'est la possibilité d'un mode d'inscription qui déploie un partage du sensible entre des êtres. Donc c'est vraiment la question de l'espacement qui est important. L'espacement qu'on ne va pas essayer de positiver à travers des relations, des catégories. Parce qu'au final, même cette idée des ontologies, en effet, on peut dire que, pour reprendre par exemple ce que dit Foucault dans l'archéologie du savoir, où il essaie de voir comment un discours se constitue à travers justement des filiations multiples. Donc à un moment, vous s'articulez dans donc voilà, une espèce d'unité de discours, des énoncés qui, eux, qui au départ, en fait, appartiennent à des historicités diverses. Donc on peut dire, en effet, à un moment, il y a un partage dominant qui s'institue dans un contexte donné, qui va faire discours et qui va, d'une certaine manière, exercer un espèce de pouvoir. Mais en même temps, le discours, il ne forme jamais une unité complète. Il est toujours traversé aussi par de l'hétérogène. Il y a toujours des hétérogénéités. Même ce qu'on appelle l'Occident, ce n'est pas une unité complète qu'on pourrait complètement globaliser dans l'ontologie du naturalisme. Il est toujours traversé par ce qu'on appelle des survivances, par des persistances. On va chercher aussi souvent Warburg. Hein, c'est celui qui a pu au moins aussi montrer que ce qui semblerait être cadenassé, la Renaissance, hein, comme vraiment le début d'une modernité, était absolument empreint de paganisme, à quel point les survivances qui la composent sans cesse la fait battre dans un registre qui n'est pas surdéterminé, mais qui sans cesse la réouvre. Et donc c'est au contraire la volonté de produire, la volonté de produire des identités qui va essayer à chaque fois de refouler, d'extraire, de nier en fait l'existence de ces persistances, de ces survivances qui font qu'il y a toujours déjà des hétérogénéités qui cohabitent. Et nous, c'est ces hétérogénéités-là qu'on va chercher, à la fois en Occident, à l'extérieur de l'Occident, c'est redéployer en fait la multiplicité que la mondialisation, que la biopolitique à l'échelle mondiale essaye de réduire.